Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez le bombastique ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, dans le bleu pétrole de ma nuit, j'ai croisé une énième rediffusion de Derrick. Et c'est toujours la même chose. Enquête de profit, morgue des actionnaires et licenciement sans alibi. C'est la totale. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 28 est totalement grotesque. Grotesque ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Le père Ubu ? Du buridan, oui. Arrêtez vos âneries qui tombent à l'eau, sinon je vous avoine avec la première brique. Attention, c'est parti. Carambouille. Carambouille ? Calambreden, Bill Vezet, c'est Maître Capello. Une proposition de bonne aloi. Mais rien à voir. Allez, deuxième brique, Marial. Marial ? Maroal ? Du fromage, on reçoit la Belle des Champs. Oui, notre patient est une Belle des Champs, mais plutôt labellisée Massabielle. Ah ! Ok, doc. La carambouille grotesque et mariale de Massabielle. Nous accueillons donc ce matin Bernadette Soubirou. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cette lourde sainte qui nous gave de peau. Bougez-vous les cornettes, les nonnes, et apportez au labo le dossier de Madame Soubirou. Allez, Bernadette, à table. Voici Bernadette Soubirou, messieurs. Assieds-toi, Bernadette. Je vais plus à l'école, c'est nul, hein. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon cum, hein. Ainsi, tu vois une dame dans la grotte. Non, mais attends, tu me lâches, ok ? Et comment se fait-il que tu sois la seule à la voir ? Et on n'est pas des putains franges. C'est clair, hein. Et on va leur dire. Ok. Parle à ma main. Quand on voit une dame que personne ne voit, c'est qu'on est malade, mon enfant. Monsieur le préfet souhaite que Mademoiselle Soubirou soit placée en observation. Ah, ça c'est sûr, Bernadette. Sachez que le Vatican est très inquiet, et c'est le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un poste très sympa au Saint-Siège, qui a lui-même sollicité les services du ministère psychique afin de vous placer ici en observation. Alors débutons immédiatement notre séance par la traditionnelle première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer ce qui nous tourne boule au cœur des effroyables arcanes de votre structure mentale, mademoiselle Soubirou. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me gonfle encore une fois ce matin, c'est l'inaccessibilité de notre patiente à la culture. Bernadette Soubirou fut en effet privée d'éducation et du coup forcément en proie à l'obscurantisme religieux. Résultat, elle était prête à gober n'importe quoi, alors qu'en réalité, notre patiente n'était point dépourvue, ni de caractère, ni d'intelligence. Elle est très fière. Sa mère l'a élevée dans la fierté de leur famille, qui a toujours été honnête, qui a toujours été considérée dans la région. Les Soubirou sont tombés très bas, et Bernadette est très sensible malgré tout à cette déchéance familiale et à ce qu'il devrait être, si les choses étaient restées ce qu'elles étaient. Aussi humble et aussi analphabète soit-elle, elle est très capable de tenir tête à des docteurs en théologie. On la croit très sotte, mais c'est en réalité un manque d'éducation, un manque de culture. Dès qu'on va lui avoir donné le minimum nécessaire, on va se rendre compte qu'elle est au contraire une enfant remarquablement intelligente et vive, avec des réparties surprenantes. Alors attention, première révélation, mademoiselle Soubirou n'était pas une simple d'esprit. Enfin, notre sacerdoce consiste justement à vérifier ici ce matin les fulgurances de son intelligence et son sens de la répartie. Et crois-moi, Nos 53 petites minutes ne seront sans doute pas superflues pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre canonisé extatique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patiente illuminée par l'incantation d'un nouveau chapelet très particulier. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie, in your arms, I'm longing to be, longing to be, baby. Baby, tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above hey, me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One who's on her. She bears her birthday. Farmer to me. Farmer to me. Oh no no to, oh no no to. Oh no no to, oh no no to, bracciata. Oh no no to, bracciata, bracciata. Oh no no to, oh no no to, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Oh no no to, bracciata. Quando zona. She bears her birthday. Ha ha ha ha. Farmer to me. Way money, way money. Way money, way money, way money. En 1958. On trouve dans Zola la description des baignoires de la grotte de Lourdes. Je cite « Il s'y rencontrait de tout, des filets de sang, des débris de peau, des croûtes, des morceaux de charpie et de bandages. Un affreux consommé de tous les maux, de toutes les plaies, de toutes les pourritures. Il semblait que ce fût une véritable culture de germes empoisonneurs, une essence des contagions les plus redoutables. Et le miracle devrait être que l'on ressortît vivant de cette boue humaine. » Avant tout, le ministère psychique remercie de tout cœur le remarquable professeur Rollin pour son approche naturaliste de l'univers merveilleux de notre patiente du jour, car en effet, nous nous intéressons ce matin à la construction mentale de la pop star des Illuminés, à savoir Bernadette Soubirou. La petite Marie-Bernarde Soubirou, dite Bernadette, est née le 7 janvier 1844 au pied des Pyrénées, dans la petite bourgade de Lourdes et au sein d'une famille très modeste. Bernadette, l'aînée de 9 enfants, est une gamine chétive et quelque peu asthmatique. Mais bon, ça ne l'empêche pas de vivre comme tous les autres mômes de son âge. Et comment tu t'appelles, beauté ? Bernadette. Bernadette ? Bernadette, joli prénom. Eh, c'est celui de ma grand-mère, elle est très fière de le porter. Alors, tu viens nous embrasser là ou pas ? Hors de question. Eh, fais-nous voir tes jambes alors, vas-y, montre. Excuse-moi ? Montre-nous un petit bout de jambe, allez. Eh, un peu plus que tes guiboles, ouais, vas-y. Lequel tu préfères de nous cinq ? Moi, je te plais. Si tu lui plais, avec le beat que t'as, mais regarde, j'ai la ligne haricot, moi. Bon, jeunes gens, ça suffit. Disparaissez ou j'appelle le gardien. En effet, Bernadette est très sage et quand elle s'éloigne de la maison, c'est pour aller à la messe, bien sûr, mais aussi pour sillonner la campagne afin de ramasser du petit bois en compagnie de ses frangins et frangines. Mais le 11 janvier 1858, cette saine activité campagnarde se transforme en une aventure terriblement croquignole. Toute la marmaille décide de traverser le gave de Pau. Bernadette, toujours un peu malade, hésite tout d'abord, puis s'apprête à passer la rivière quand soudain, attirée par un bruit étrange, elle aperçoit une dame dans la grotte de Massabielle. Bernadette tressaille, puis tombe à genoux dans la terre grasse et humide. Alors bien sûr, quand elle rentre chez elle, Bernadette a sali sa jolie robe au grand dam de sa mère. Mais oui, Bernadette. Bernadette, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue complètement folle, ma petite fille. T'as perdu le sens commun. Est-ce que tu t'es regardée? Vraiment, Bernadette, il y a des moments où je ne te comprends pas. Oh, ils l'ont retrouvé vite. C'est un miracle. Ils avaient même emmené Saint-Esprit pour les aider. Soyez un peu charitable. Bernadette, elle est toute sale. Hein? Qui c'est qui va encore stopper la lessive? C'est Marie-Thérèse. Eh oui, ce sont toujours les mêmes qui triment. Voilà, Bernadette a eu sa première apparition en janvier 1858 et elle y retourne à plusieurs reprises dans la grotte de Massabielle, comme pour répondre à un appel. Bon, toute gamine qu'elle est, elle ne peut s'empêcher d'y emmener les copains. Tu veux que je te montre mon observatoire secret? Où ça? Viens voir. Oh, c'est vachement bien comme grotte. Tiens, regarde. Tu peux même te rincer l'œil. T'as vu? Elle m'a même pas de soutien-gorge. Des fois, je jette des limaces sur les bonnes sœurs du Porcinon. Quand elles passent en vélo. Même des crapauds si j'en trouve. T'es vivant? Ben ouais, tiens. Et voilà. La petite Bernadette a fait de Massabielle une cabane, un de ces refuges que se créent les enfants pour se sentir libres et indépendants. Et la gamine pousse encore plus loin son enthousiasme en affirmant voir dans sa cabane une étrange femme habillée de blanc. Très vite, la nouvelle se répand au village, au point que Bernadette est convoquée par l'abbé Péramal, le curé de Lourdes, qui veut en savoir un peu plus sur cette étrange affaire. Bernadette explique alors le sens de ses apparitions. La dame m'a dit... Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge, monsieur le curé. Mais je la vois comme je vous vois. Et qu'est-ce qu'elle veut, ta belle dame? Elle m'a dit, allez dire au prêtre qu'on bâtisse une chapelle. Une chapelle? Où ça? À la grotte. Eh ouais, une chapelle, ça fera une chouette cabane. Bernadette est toute ravie à l'idée d'avoir bientôt une belle chapelle rien que pour elle. Pourtant, la prude jeune fille n'avait pas imaginé que tous ces dires allaient entraîner beaucoup d'inquiétudes chez les autorités du Second Empire. Le conseil municipal, le maire, les notables, le préfet, tous s'interrogent sur la véracité de cette histoire et beaucoup mettent en doute les visions de la gamine, l'accusant même de folie. A l'inverse, pour les classes laborieuses, il n'y a pas d'hésitation. Bernadette est une fille de chez nous, une fille du peuple. Les bourgeois la persécutent avec leur police, leur procureur, leur médecin. Et pourquoi? Pas seulement parce qu'elle a vu la Sainte Vierge, mais parce qu'elle est pauvre. Ce qu'ils veulent, c'est interdire l'eau de la source qui guérit les pauvres, pour pouvoir la vendre très cher et emplir leurs poches. On les laissera pas faire. Oh là, ça chauffe à Massabielle, on se croirait un peu en Guadeloupe. D'autant plus que les apparitions se poursuivent jusqu'à 18 fois entre janvier et juillet 1858. Le succès est immédiat et avant même que l'Église reconnaisse la réalité des apparitions, ce sont des milliers de pèlerins qui se dirigent vers Lourdes. Et de partout, on cherche Bernadette. Bernie ! Bernie ! Mais on n'en finira donc jamais ! après la salette. Bétarame, garaison, voilà Lourdes qui a son illuminé. Vous, mon cher Pomian, je connais vos sentiments à l'égard de la jeune Soubirous. Vous avez eu tout de suite le coup de foudre. Ne me repousse pas car sans toi, je ne saurais pas où aller. Quant à vous, cher ami, vous n'avez pas hésité, et vous êtes le seul à vous mêler à la foule des admirateurs. Si vous aviez vu, comme je l'ai vu, la transfiguration de cet enfant quand elle est en conversation avec la Sainte Vierge. Alors, racontez-moi votre histoire. Une histoire? Oh, eh bien, je connais des contes de fées, et puis quelques légendes. On fait de l'humour. D'accord. Commencez par me donner votre nom d'abord. Wonder Woman. Bon, alors le nom, ça doit être Woman. Le prénom, c'est Wonder, n'est-ce pas? Oui. Wonder Woman. Qu'est-ce que c'est que ce pays? La Sainte Vierge, rien que ça. Et elle parle en plus. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette bonne Sainte Vierge? Oui, je crois qu'une vie, ça commence avec un mot d'amour. Petite merdeuse, oui. Et pourtant, malgré les doutes, l'Église reconnaît les apparitions et les miracles qui y sont associés dès 1862, 4 ans seulement après les faits. Bernadette se retire ensuite dans un couvent à Nevers, où elle décède en 1879, avant de connaître les joies de la béatification en 1925, puis la canonisation en 1933. Sainte Bernadette, ça le fait. Mais en son temps, cette petite peste avait troublé l'ordre public. Et ça, aujourd'hui encore, notre société ne peut pas l'accepter. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de visionnaire représente une menace pour notre société. Et pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, j'ai sous les yeux le dossier Soubirous et je suis émerveillé par le succès populaire et planétaire des apparitions mariales faites à cette sainte Bigourdane. Bernadette a vu la Vierge, bon, d'accord, mais elle n'est pas la seule. Parce que des apparitions de la Vierge, il y en a sans cesse, partout. Oui, Marie a ce petit côté cabot qui plaît tant au bigot. Elle se montre, apparaît, disparaît, en un mot, elle minaude. Dieu, qu'il serait fastidieux de faire ici le catalogue des apparitions de la Vierge. Au XIXe siècle, en France, Bernadette n'est pas une exception, puisque, par exemple, Catherine Labouré l'a vue rue du Bac à Paris en 1830, Mélanie Calva l'a croisée à la Salette en 1846, la famille Barbedette s'était à Pontmain en 1871, et c'est sans compter l'île Jourdain ou Tilly-sur-Seule. La Vierge, on la voit partout, je vous dis. Mais aucune de ces apparitions n'a atteint la renommée et le prestige de Lourdes. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord, ce que raconte Bernadette en 1858 tombe à pic, car le pape cherche alors à imposer le dogme de l'Immaculée Conception dans une chrétienté où le positivisme et l'anticléricalisme terrifient quelque peu l'Église. Et puis dans une France marquée par la défaite contre la Prusse, le contexte historique des années 1870 est prophétique, eschatologique, voire apocalyptique. L'Église avait donc tout intérêt à profiter de l'aubaine Soubirous. Mais ce qui tient du miracle à Lourdes, ce ne sont pas tellement les apparitions, mais plutôt la ferveur populaire donnée à cette kermesse visionnaire chez les lourdesques. Professeur Colin, comment appelle-t-on les habitants de Lourdes? Ah, je ne sais pas. Les impotents, effectivement. Alors, comment expliquer cette kermesse lourdaise et son succès face à la concurrence? Bien, il suffit d'appliquer tout simplement quelques petites astuces quand apparaît une dame blanche. Bon, alors à moins d'être gothique, rebouteux ou membre du fan club de X-Files, autant éviter d'entrer dans le folklore des spectres ruraux de ces femmes mystérieuses apparaissant de nuit. C'est bien pour l'éveillé, mais ça fait peur aux enfants. Donc il faut l'affirmer, c'est la Vierge et non pas un fantôme. Ensuite, le grand air et les joies de la montagne, ça ne suffit pas. Il faut la mer pour attirer les touristes, ou alors construire une piscine comme à Lourdes. C'est très bien. Pour les processions, le mieux est de s'inspirer de la grande parade de Mickey. Tout un tas de personnages déguisés, quelques chasubles ou d'autres soutanes colorées feront très bien l'affaire. Ensuite, et c'est très important, il faut des attractions. Space Mountain ou les Vêpres, la maison hantée ou la grotte miraculeuse, les pirates des Caraïbes ou les cierges enflammés. Mais bien sûr, le must, ce sont les miracles. Alors là, c'est du top, hein. Mais attention, professeur Colin, pas de miracle tout moisi. Et c'est sans doute là que la ferveur populaire à Lourdes est aujourd'hui menacée. Parce que guérir des phtisiques, des goitreux et des scrofuleux, c'est dépassé. Non, aujourd'hui, il y a de la concurrence dans le miracle. Tenez par exemple, c'est presque miraculeux ce qui se passe pour les patrons de Total. En pleine crise, ils font des bénéfices outranciers et ils réussissent même à supprimer des emplois. Un tel mépris mériterait, comme à Lourdes, un soulèvement de ferveur populaire. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Délire paranoïaque doublé de bouffées délirantes ou, selon les goûts, sublime vision mariale avec reflet de sainteté. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente, à qui la Vierge aurait parlé en patois, dis donc. It's a long time, don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you, comme moi, je vous aime. L'essence évangélique électropop selon Saint Matthew Bogart et auquel aurait sans doute adhéré Sainte Bernadette canonisée Beautiful Girl. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Alors maintenant, après avoir décortiqué les grandes étapes qui ont ponctué l'existence de Bernadette Soubirou, il est temps dès à présent, me semble-t-il, d'analyser les obsessions névrotiques qu'ont provoqué par la suite le psychisme illuminé de notre patiente. Vois-tu, dès le 18 janvier 1862, soit 4 ans après l'ultime apparition dans la grotte, l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, s'en remettent officiellement au jugement du souverain pontife, lui-même persuadé, Monseigneur, que c'est bien la Vierge qui s'est entretenu plusieurs fois avec Bernadette Soubirous. Néanmoins, tu sais désormais que ce n'est qu'en décembre 1933 que la structure mentale de notre patiente fut canonisée par le vicaire du Christ. Eh bien, figure-toi que c'est à partir de ce moment-là que tout a réellement changé à Lourdes. Jusqu'alors, le prince des ténèbres considérait Bernadette Soubirous comme une louve-dingue farfelue et inoffensive. Mais une fois devenue sainte, le diable a évidemment décidé de venir semer sa zone aux alentours de la grotte. C'est ainsi que depuis la fin des années 30, le Vatican cherche par tous les moyens à dissimuler les apparitions désormais sataniques qui se sont substituées au délire hallucinatoire de Bernadette. Tentons d'y voir plus clair. Tout a commencé en avril 1941, lorsqu'un suppôt du diable est venu rendre visite aux pèlerins de Massabielle. Dans cette grotte de Massabielle, dont la France s'honore et que l'univers catholique vénère avec la France, permettez-nous, monsieur le maréchal, de prier un instant avec vous et autour de vous, en ce lieu où le surnaturel éclate si clairement, se touche et s'exalte autant qu'il s'établit. Nous ferons des vœux pour votre personne. Ce ne sera pas en vain que vous l'aurez mis si généreusement pour la victoire et pour le salut dans la défaite au service de la France. Et nul ne s'étonnera que notre prière ici ce soir, si courte soit-elle, ne puisse être que la prière répétée sans fin des pèlerins à Lourdes, l'antique et éternelle formule de nos besoins et de nos hommages à Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Ave Maria. Oui, très vite, les forces maléfiques et fascistes se sentirent véritablement chez elles, à Lourdes. Les suppôts du diable avaient la ferme intention de venir pourrir la sainte mémoire de notre Bernadette. La lutte allait être féroce. Et malgré les exorcismes épiscopaux d'après-guerre, le diable décida d'apparaître une deuxième fois à la fin des années 60, au moment même où les pèlerins commençaient justement à douter de l'authenticité de ce lieu soi-disant propice aux miracles divins. Lourdes est une ville sainte, mais il y a peu d'élus. Comment il y a peu d'élus? Le dernier miracle date d'il y a 10 ans. Et alors? C'est plutôt une excursion maintenant. Mais vous avez l'air de dire qu'il n'y a plus de miracle. Mais Dieu n'a pas besoin de prouver son existence à tout propos. Eh bien moi je vous dis qu'il y aura encore un miracle. À Lourdes, c'est le scandale. Certains touristes pratiquent quotidiennement le nu intégral sur la prairie située face à la grotte des apparitions. Tu vas croire très fort. Et tu vas prier le Seigneur, et tu vas aller là-bas. Il paraît qu'on en a vu, là, derrière la grotte, carrément nu. Carrément faire... nu, oui, carrément nu, oui. En train de se faire bronzer. Ah oui, exactement. Dans la prairie, moi, j'ai fait lever beaucoup de filles, c'était des Anglaises, parce qu'elles avaient tout juste la culotte. Alors, où c'est que nous allons? Satan utilise toujours la chair pour nous corrompre. J'ai dû manger trop de viande rouge, ça fait chauffer. Bénissez-moi, mon Seigneur. Vous me direz 2 Ave Maria et 1 Pater. Bien entendu, le Vatican fut traumatisé par l'apparition de ces vierges dénudées sur les pelouses de Lourdes. Mais ce n'était rien au regard de la 3e manifestation de Belzébuth sur les terres de Mademoiselle Soubirous. En effet, au mi-temps des années 70, le diable prit carrément possession du psychisme des disciples religieuses de Bernadette. Ainsi, les nonnes furent en proie à la vénalité. Tempête dans une grotte, les hôteliers de Lourdes reprochent aux religieuses de leur voler leurs clients, un détournement de pèlerins en somme. Éric Lafond de Radio France Pau Béarn a confessé l'une de ces hôtelières en colère. Ça, de toute façon, elles vont à la gare et elles font ce qu'on appelle vulgairement du pistage. Elles accrochent le client, venez chez nous, c'est moins cher, et voilà, et le client suit. On a des signatures, on a des témoignages écrits des clients que nous avons eu par la suite chez nous, qui nous ont dit que nous avons été accrochés par les sœurs. Aux portes de la grotte de Lourdes, il y a une cliente qui a été accrochée par les sœurs en lui disant « À quel hôtel vous êtes? Venez chez moi, c'est moins cher. » Fervent admirateur de la Vierge, Jean-Paul II ne pouvait plus dormir en paix, hanté bien sûr par l'image de ces religieuses qui aguichaient leurs clients à proximité de la gare. Franchement, ce curieux tableau urbain nous rappelle combien la frontière est parfois floue entre la débauche et la chasteté. Toujours est-il que notre Saint-Père polonais décida très vite de prendre le diable par les cornes pour tenter de protéger l'âme de Bernadette Soubirous. Et le 15 août 1983, Jean-Paul II entreprit son premier voyage pontifical à Lourdes à l'occasion de l'Assomption pour tenter de rappeler aux chrétiens l'essence du message que leur a transmis notre Bernadette. Ici, autrefois, la belle dame parlait avec une simple jeune fille de Lourdes, Bernadette Soubirou. Elle récitait avec elle les chapelets. Elle la chargeait de certains messages. Être femme, c'est être née avec un sexe féminin. Être femme, c'est vivre dans un corps de femme. Même si j'ai du mal à me trouver, à me définir dans une société d'hommes. Non, non, non et non, je ne suis pas un homme sans queue ni tête. Messieurs les pères, les maris, les amants, les patrons, les mecs et les copains. Nous les femmes, on a pris en main notre évolution. Et si vous avez encore besoin de femmes et d'amour, c'est vous qui allez être obligés de changer vos habitudes et quelques-uns de vos goûts. Mais une fois encore, Satan se révéla plus fourbe que le magistère ecclésiastique. Jean-Paul II souhaitait, par sa présence pontificale, rétablir à Lourdes l'hégémonie tristounette de l'Immaculée Conception, quand le prince des ténèbres, lui, s'empara une nouvelle fois de l'esprit des nonnes pour qu'elles fassent l'apologie de la légitime maîtrise de leurs corps et de leurs désirs. Dépité, le pape fit alors appel à Joseph Ratzinger, qu'il nomma grand inquisiteur, afin qu'il torde le cou à cette mascarade, mais en vain. C'est alors qu'une fois devenu pape, Benoît XVI essaya à son tour de chasser le diable de la grotte de Massabielle. C'est ainsi qu'en septembre dernier, souviens-toi, le vicaire du Christ, flanqué de son camérier, se pointa dans les Pyrénées très affaibli et visiblement déjà totalement possédé par le démon. Tu me pousses vers la grotte, vite fait, bien fait, tu présentes bien, mieux que l'autre souris qui flaire l'entourloupe à 15 pas. Donc tu me pousses, tranquillos, on arrive à la flotte, comme des grands, tu me balances dans le jus, je m'y jette 2-3 minutes, je me lève, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Je marche, je garde mon blé, je t'enfile une bonne pincée et un chouïa à la bonne femme. Eh oui, désespéré par les œuvres de sape du malin, et surtout dans l'espoir de relancer le business du culte marial à Lourdes, Benoît XVI était même prêt, dis donc, à simuler un nouveau miracle dans la grotte de Massabielle. Tout cela étant dit, et même démontré, nous ignorons cependant si le diable n'a pas orchestré toute cette histoire depuis le départ, finalement. Ainsi, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelles furent les conditions précises dans lesquelles Bernadette Soubirou vécut ses apparitions de la Vierge. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble si l'esprit du diable ne rôdait pas déjà aux alentours de la grotte dès le 11 janvier 1858. L'interne, sortez de la grotte et pointez-vous au labo. Allez, hop, démonstration. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Mes très chers frères... Professeur, pardon. L'illuminée du jour serait donc Bernadette Soubirou, qui aurait vu la Vierge 18 fois dans la grotte de Massabielle. Mais bien sûr, en feignant de ne pas savoir qui c'était en plus. Alors laissez-moi vous dire que pour ce dossier, j'ai bien creusé. Parce que le genre adolescente prête à tout pour faire son intéressante, ça cache toujours quelque chose. Et c'est Bernadette elle-même qui nous en a laissé le récit. La première fois que je fus à la grotte, j'allais ramasser du bois avec deux autres petites. Quand nous fûmes au moulin, je leur ai demandé si elles voulaient aller voir où l'eau du canal allait se joindre aux gaves. Elles me répondirent oui. De là, nous suivîmes le canal. Arrivés là, nous nous trouvâmes devant une grotte. Ne pouvant aller plus loin, mes deux compagnes se mirent à même de traverser l'eau qui se trouvait devant la grotte. J'ai demandé aux autres deux si elles voulaient m'aider à jeter quelques pierres pour voir si je pourrais passer sans me déchausser. Alors je revins dans la grotte et je me mis à me déchausser. Eh oui, une petite dévergondée sous des airs de Sainte-Nitouche. Voilà qui était Bernadette. Sa passion, on l'aura compris, c'est d'aller zoner avec ses copines dans les grottes des Pyrénées. Ou comment cacher ses délires de spéléo par de gros mythos. Parce que son kiff à Bernadette, c'est le sport extrême. Des sensations pures et de l'adrénaline en puissance. Tu fais du saut, de la spéléo, de la grimpe. T'en as rien à secouer. Tu vas à fond. Sinon, tu te fais bouffer par plus grand que toi. Demain, ça va être terrible, tu vas voir. Et ces grottes, c'est une première pour toi? J'ai vu à quoi ça ressemble dans un guide. C'est un truc à touristes, tout sauf de l'aventure. Il pourrait aussi bien y foutre un escalier et vendre des souvenirs. Bon, là-dessus, on ne va pas la contredire. En tout cas, pour ce genre de petite virée souterraine, Bernadette savait s'entourer. Et avait déjà son petit groupe de fans. Enfin, de fidèles, quoi. Du quoi ? Du trekking. La marche à pied, si tu préfères. Non, et puis ça te fera du bien. À part le tarot, tu fais jamais de sport, toi, hein ? Ah, et puis je t'ai pas dit la meilleure, il y aura Bernadette. Non, pas la Bernadette de la fête. Hein. Ah si, si, si. Tu l'imagines, là, devant toi, hein, moulée dans son petit short avec son petit cul ? Bah ouais, c'est sûr, ça demande réflexion, hein. Bah moi, quand on me l'a dit, j'ai pas réfléchi, moi. Tu m'étonnes qu'ils partirent à 5 et se virent 3000 en arrivant à Massabielle. Mais une fois dans la grotte, Bernadette avait beau avoir la motive, la foi en ce qu'elle voulait, elle avait surtout de l'asthme. Oh, j'en ai plein les pattes. Je crois pas que je vais pouvoir aller plus loin. Vous savez, moi je sens que la montagne, c'est pas mon truc. Alors, moi, je vais faire demi-tour parce que je vais vous faire chier tout le temps. Maintenant, tu arrêtes de faire l'idiote, d'accord ? Non mais attends, tu me parles pas comme si j'avais 15 ans ! Si je te dis que j'en peux plus, ben c'est que j'en peux plus ! Je vous jure, j'en peux plus. Et voilà comment Bernadette s'est retrouvée au fond du trou, en spéléologue ratée, prête à croire n'importe quoi pour en sortir et voir une lumière qui, au final, n'était sûrement pas la bonne. Pour les Grecs, la caverne, c'est la représentation du monde. Le fameux mythe de la caverne, le lieu de l'ignorance et en même temps le point de départ vers la connaissance. C'est le lieu souterrain qui s'oppose d'ailleurs dans beaucoup de mythes à ce qu'est au contraire l'ascension de la montagne, la course vers le sommet, et bien cette anfractuosité dans la montagne, dans le rocher, est comme l'envers finalement de ce mouvement ascensionnel qui peut mener le sujet vers, par exemple, vers la connaissance. Moi je veux pas me fâcher avec les catholiques, hein. Bon un petit peu pour faire plaisir. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête qui nous révèle ici que la grotte de Massabielle était une ressucée du mythe de la caverne, le lieu de l'ignorance, comme l'envers d'un mouvement ascensionnel qui peut mener le sujet vers la connaissance. Assurément, le diable ne devait pas être très loin, d'autant que certaines théories accentuent l'hypothèse d'un vieux démon récurrent lors des apparitions. Un cubit de vinasse, un morceau de pain dur, des fringues dégueulasses pour seule couverture. C'est comme ça que Léon affronte le froid. Mais ce soir, moins noir lui sera la nuit. Car quelqu'un, quelque part, a prié pour lui. La blanche apparence paraît à ses yeux comme une présence qui parle de lui. Tiens, tu sais, je suis Marie. Marie Popit ? Marie, mère de Dieu. Ah, tiens. Ça, c'est pas banal, là. Marie, merde. Je suis venue soulager tes peines. Épanche ton âme, mon fils. Viens m'en boire un godet, on va te conter des conneries. Toi. Bon, d'accord, mais vite fait. Quand la discussion fut bien engagée, Marie à Léon livra son secret. Faut que je te dise un truc, Léon. Je suis pas vierge. Je serais même plutôt du genre un peu dévergondé. Ah, tu m'aides. Voilà. Les apparitions, c'est un truc d'alcoolo. Bernadette, ses visions, c'est aussi du pipeau. Bien. Alors, ça c'est fait. Et chacun jugera en son âme et conscience ces propos mécréants que nous venons d'entendre à l'instant. Mais dès à présent, entamons l'ultime partie de notre analyse, qui consiste comme d'habitude à localiser les résurgences contemporaines de la structure mentale éminemment catholique de notre béate bergère canonique. Car, que ce soit du pipeau ou pas, il n'en demeure pas moins que les incroyables apparitions de Bernadette Soubirous ont provoqué quelques délires mimétiques inquiétants chez certaines de nos concitoyennes que nous allons découvrir ici successivement. Ainsi, engageons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Invariablement, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. De rechef, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre patiente extatique au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « J'hallucine m'est apparue Christine dans les glycines et dans laquelle nous croiserons le psychiatre Pierre Deniker de Sainte-Anne et une formidable apparition, bien sûr. L'expert jungien, apparaissez au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Nous entrons dans les psychoses hallucinatoires. Et là, c'est vraiment un chapitre très intéressant parce que je crois qu'on peut dire que c'est vraiment le cœur de la psychiatrie. Bernadette Soubirous, elle, va connaître une enfance qui est baignée dans la pauvreté. Sa connaissance dans le domaine religieux était extrêmement limitée. Alors pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui a approché cela de près, Christine Boutin. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, j'ai l'impression qu'on cherche à piéger des croyants, à les déconsidérer. Je trouve qu'on y va un peu fort. Je crois qu'il y a une grande lutte actuellement par rapport à la dignité de la personne humaine et de l'homme qui est à l'image de Dieu. Et en fait, c'est une lutte contre Dieu qui est engagée. Elle rentre tout de suite dans un état d'extase. Au moment où elle va chercher du bois, elle est littéralement saisie par une apparition lumineuse, véritablement dans un état d'union mystique avec cette dame mystérieuse. Dire qu'on est catholique aujourd'hui relève un peu de l'héroïsme, puisque nous le savons bien, lorsque nous défendons et nous parlons de Jésus et de notre foi, nous sommes souvent ridiculisés. On peut discuter, dire d'un sujet déprimé qu'il est triste, d'un sujet paranoïaque qu'il a mauvais caractère, mais quand quelqu'un entend des voix, c'est franchement surnaturel. On veut contester l'existence de Dieu et on prend tous les procédés pour déconsidérer l'existence de Dieu. Mais on ne pourra pas empêcher l'homme de croire en Dieu. Mais Dieu est là. Au moment d'une apparition, à un moment donné, la Vierge Marie lui demande justement de creuser un peu le sol et d'un seul coup, lorsqu'elle se met à creuser, il y a une source qui apparaît, une source d'eau miraculeuse. Eh bien, maintenant, il n'y a plus que les voix fortes qui s'élèvent et elles sont minoritaires. Je crois que ceci est la conséquence d'un certain nombre d'abandons depuis de nombreuses années. Nous avons pensé, ou l'on nous a mis dans notre tête, que parler du Christ et de notre religion était du domaine privé, non du domaine public. Bon, je crois que là, nous sommes dans l'ordre des phénomènes mystiques. Il y a beaucoup de phénomènes d'ordre hallucinatoire que nous fixerions comme tels. Bernadette va rentrer dans les ordres et elle va décéder en odeur de sainteté à Nevers. Elle sera ensuite, bien sûr, canonisée au début du XXe siècle par l'Église catholique, par le pape. Si vous me permettez, je ne dirais pas des catholiques traditionnels, je dirais des catholiques fidèles au Saint-Père. Et le Saint-Père, c'est la doctrine de l'Église et elle est éternelle. Que la main de Dieu me foudroie, si ce n'est pas la mienne. Oui, le Saint-Père, c'est la doctrine de l'Église et cette doctrine est éternelle, nous dit ici Madame Boutin. Certes, mais il n'empêche qu'elle peut être amendée par des encycliques, comme ce fut le cas par exemple en mai 1891, lorsque le pape Léon XIII, contemporain de Bernadette Soubirous, publia l'encyclique Rerum Novarum, texte fondateur du catholicisme social qui dénonçait la misère et la pauvreté qui pèse justement sur la majeure partie de la classe ouvrière, victime du capitalisme outrancier, nous précisait à l'époque ce texte pontifical éclairé. Aujourd'hui, ministre du logement, soyons certains que Madame Boutin livre chaque jour bataille pour faire respecter à la lettre la doctrine de l'encyclique Rerum Novarum, confirmée un siècle plus tard par l'encyclique de Jean-Paul II, intitulée Sanctissimus Annus. Doctrine sociale et chrétienne ô combien louable et d'autant plus nécessaire qu'en général, lorsque la crise frappe à la porte, les apparitions tartignoles tendant Soubirous ressurgissent régulièrement. Vois-tu, parmi tous les dossiers en apparition virginale que doit encore juger le Vatican, il en est un récent particulièrement troublant. D'ailleurs, la ressemblance avec le cas Soubirous est réellement déroutante. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée en France au cœur des années 1980, où là aussi, une jeune adolescente un peu paumée s'est retrouvée 18 fois nez à nez avec une icône qui a tenté de lui délivrer d'étranges messages. Alors qu'en est-il précisément ? Eh bien, le mieux, je crois, c'est de te dévoiler immédiatement les éléments de ce curieux phénomène paranormal. Qu'est-ce que t'as vu ? Dis-le, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu... Quoi ? J'ai vu une dame habillée de blanc, avec une ceinture bleue. À 11h, nous vous proposerons de suivre en direct la messe de l'Assomption, en direct de Gruyère, en Suisse. J'aimerais tant la revoir. Elle est si belle. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et l'énigme. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, peux-tu me dire ce que tu as vu à Massabielle? Tu peux me dire ce que tu as vu? J'ai vu une belle jeune fille. Elle avait une si jolie figure. Raymonde, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre choix, Raymonde? Mon choix, c'est le kaléidoscope. La Sainte Vierge avait-elle une auréole? Oh non, monsieur l'abbé. Elle était seulement dans une lumière qui venait un peu avant et restait un peu après. À quoi pensez-vous? Je pense à la présentation d'une émission qui représente un œil, ou plutôt deux iris dans une même orbite. Non, c'est pas ça du tout. Elle était belle, n'est-ce pas? Oh oui, et bien plus que ça. Que choisissez-vous? Le kaléidoscope, s'il vous plaît. Je pense au bijou de la couronne de Bokassa Ier. Non. Non, madame, c'est pas ça. La Sainte Vierge m'a dit que je serais heureuse dans l'autre monde. Oui, bonjour, Denise. Qu'avez-vous choisi, Maxime? Tout à l'heure, je choisis le kaléidoscope. Très bien. Je vous propose un vase de nuit pour un jeune ménage. Pardon? Un vase de nuit pour un jeune ménage. Non, mais c'est pas ça du tout, monsieur. Il y a un œil au fond, là, vous savez, pour voir le champagne dedans. Ça se fait dans le Poitou. Ah bon? Pardon? Oh, elle voudrait pas venir, ce jeu. Bernadette. Je préférerais que tu m'avoues que tu t'es trompée. Je ne peux pas vous dire ça, monsieur le curé. Ce serait un mensonge. Bien entendu, nous suivrons de près les réflexions du Saint-Siège afin de savoir si le pape authentifiera cette évidente apparition de la Vierge dans une petite lucarne. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patiente, revenons une fois de plus au ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et totalement dingo, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, je t'aime bien, Bernadette. T'as eu des apparitions, ça m'est arrivé aussi. Une fois à Paris, l'opéra m'est apparu à l'heure de l'apéro. Ouais, alors comme ça, t'as mis le pied gauche dans la grotte. T'as vu, ça porte bonheur. La preuve, une dame blanche t'est apparue. Au fait, c'est qui? Tu aurais dit un cheval blanc avec un cierge sur le front, je t'aurais dit, c'est une licorne. Tu m'aurais dit, c'est un monsieur noir qui sourit, je t'aurais dit, bah c'est oncle Benz. Tu vois, on me colle jamais, moi. Sacrée Bernadette, ma sœurette, ne vois-tu rien venir? Ah si, la dame blanche, il y avait du vent, je sais qui c'est. C'était la mère Denis qui étendait son linge. Avec le vent, ça sèche plus vite. Ah Bernadette Soubirous, j'aime bien tes initiales. Pour moi, t'es la BS, hein? Au fait, c'est comment qu'on freine? Ouais, mais j'aime pas ta région de montagne. Non, moi je préfère la mer, le bord de mer. C'est pour ça que je te dis, j'irai pas en Bigorre. No, Bigorre no. Et surtout pas à Lourdes, pas Lourdes. Je suis trop con. Smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good?